بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله المولى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله ثم أهل مقام إياك نعبد وإياك نستعين لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق وهم في ذلك أربعة أصناف. Et donc ensuite, après qu'on ait fini l'étude concernant les différentes catégories, les quatre catégories face à la sincérité et à l'mutaba'a, les deux conditions pour l'acceptation des œuvres et des adorations, l'auteur revient sur le verset « Iyyaka na'bud ». On revient sur l'explication du verset « Iyyaka na'bud » et là, il va clarifier différentes catégories de dévots, de fervents dévots, des gens qui adorent le Créateur et réalisent le verset « Iyyaka na'bud ». C'est toi que nous adorons. Et donc, l'auteur va mentionner quatre catégories. Quatre catégories de fervents dévots. En disant, ثُمَّ أَهْلُ مَقَامِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ, en disant que, dans ce qu'il va expliquer d'autre part concernant le verset « Toi que nous adorons », chacun considère à sa façon que telle adoration est la plus utile et a plus de mérite que les autres. Et il dit, nous pouvons recenser ici quatre tendances différentes. Quatre tendances différentes dans une traduction approchée des paroles de l'auteur. Pour cela, hier, on avait commencé à évoquer la première tendance. La première tendance face à « Iyyaka na'bud », c'est toi que nous adorons. Donc, quatre tendances de dévots, de gens qui adorent leur créateur. Et comme on avait stipulé dans la dernière assise, si on revient au contexte de l'époque, que ce soit le contexte de l'époque de l'auteur lui-même, l'imam Taqiyuddin al-Maqrizi, ou bien l'époque de celui dont s'inspire beaucoup l'auteur comme Ibn Qayyim et d'autres savants, c'était des générations où les sociétés, comme on l'avait dit, était profondément religieuse. Et donc le niveau de religiosité était élevé. Et donc les gens de cette société, de leur société à l'époque, adoraient le Créateur. Il y a des gens qui étaient isolés chez eux, ils adoraient en constante adoration du Créateur. C'était un niveau d'adoration jusqu'à ce que certains ou certaines tendances et certaines fractions de la société adorer le Créateur de manière exagérée à leur manière. À leur manière. Et donc, les savants éduquaient les gens et enseignaient aux gens la manière d'adorer le Créateur. La manière dont il fallait adorer le Créateur. Et donc, ça, c'était un sujet de société. D'ailleurs, il y avait dans ces sociétés-là, à l'époque, les débats de société, souvent, c'était des débats théologiques. De grands débats théologiques. Et regardez par exemple l'auteur qui s'inspire beaucoup de l'imam Ibn Qayyim. L'imam Ibn Qayyim, par exemple, en son temps, a eu beaucoup de problèmes, a été jugé du fait pour une question, par exemple, sur la question qui était une question de controverse à l'époque. Il était controversé par rapport à cette question, sur une question de divorce, sur le droit du divorce, lorsque il avait contredit l'avis des savants majoritaires de son époque. Et l'avis des écoles aussi, des anciennes écoles, sur la question lorsqu'on prononce le divorce trois fois dans une même assise, trois fois d'un coup. La majorité des savants considèrent que c'est considéré comme trois divorces, et donc un divorce irrévocable. C'est un divorce qui est irrévocable. Ibn Qayyim était d'avis, comme son shir, le shir de l'islam, que c'était considéré comme un seul divorce. Et ça, ça avait fait un grand débat de société. Il y a eu des problèmes pour cela. Des problèmes pour cela. Donc à l'époque, il y avait des grands débats de société, c'était des débats théologiques, et les sociétés étaient profondément croyantes, et le niveau de religiosité était élevé. Donc il y avait un contexte d'adoration. Et donc l'auteur, regardez, c'est très pertinent, il va mentionner quatre tendances par rapport au verset « Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons ». Quatre tendances. La première tendance par rapport à l'adoration, c'est celle qui considère que l'adoration la plus utile et la plus profitable. Donc quatre tendances qu'il va citer concernant le fait, la considération, quelle est l'adoration la plus utile et la plus profitable. C'est ça, quatre tendances par rapport à cette question-là. Quelle est l'adoration la plus utile et la plus profitable? Pour cela, il dit, chacun considère à sa façon que telle adoration est plus utile et plus profitable. La première tendance qu'il mentionne, il dit littéralement, c'est celle qu'on avait, dont on s'était quitté hier, avec la mention de la première tendance, c'est ceux qui considèrent que la meilleure adoration et l'adoration la plus utile, c'est celle qui est la plus pénible et la plus dure. L'adoration la plus dure. Ashaq wa as'ab wa ahmazuha kama qil. C'est l'adoration là, la plus dure et la plus pénible. La première tendance, ceux qui considèrent plus l'adoration est dure et difficile, pénible, lourde, plus celle-ci est bénéfique. Et donc c'est la meilleure, en quelque sorte, des adorations. Premièrement, regardez, avec les mots et les termes de l'auteur, il dit une traduction, pour certains, la meilleure adoration est celle qui est la plus difficile et la plus pénible. Donc ça, c'est les propos de l'auteur dans son œuvre. Car selon eux, elle est la chose la plus éloignée des penchants de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon eux, plus l'adoration est dure et lourde, plus, eh ben, ils considèrent qu'elle est la plus éloignée des penchants de l'âme. Et donc, la plus éloignée des passions, de l'hawa. De l'hawa. Et donc, il dit, tel est le véritable sens à leurs yeux de la dévotion. Donc il dit bien, selon cette tendance, selon cette première tendance citée. Donc à leurs yeux, pour eux, il dit, tel est le véritable sens à leurs yeux de la dévotion, en sachant que la récompense varie en fonction de la difficulté. En fonction de la difficulté. Et ça c'est vrai. Puisqu'il y a un hadith qui est rapporté dans les authentiques. Un hadith qui est rapporté dans les authentiques, où qui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui est attribué qu'il dit, et le hadith est authentique, Inna a'zam al-jaza, inna a'zam al-jaza ma'a'zam al-bala. Wa inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtala. Faman radiya falahu rida, wa man sakhita falahu sukht. Inna a'zam al-jaza ma'a'zam al-bala. Certes, l'ampleur de la récompense va avec l'ampleur de l'épreuve. Donc plus l'épreuve est dure, plus la récompense sera élevé. En d'autres termes, c'est vrai, c'est la parole du prophète, le prophète est celui qui dit la vérité. Plus l'épreuve est élevée, plus la récompense sera élevée. Plus la récompense sera élevée. Les savants expliquent même qu'il y a des gens, par exemple, qui sont éprouvés par des vices. Qui sont éprouvés par des vices, et d'autres ne le sont pas. D'autres ne le sont pas. Par exemple, une personne qui, par exemple, avant de connaître, de commencer à cheminer et d'avoir une pratique régulière de la religion et de craindre son créateur, certains avaient ce qu'on appelle des vices. Ils pratiquaient des choses qui sont interdites, par exemple, dans la religion. Et lorsque eux, ils arrêtent, certains étaient vraiment imprégnés de cela. Lorsque eux, ils arrêtent, c'est un énorme effort. Pas comme celui qui a jamais pratiqué ça. Pas comme celui qui a jamais pratiqué cela. Donc plus c'est dur pour lui, plus il sera récompensé. Comme par exemple, une personne Par exemple, qui était un buveur invétéré. Par exemple, une personne qui avait un goût aux boissons alcooliques. Et donc, lui, avant de connaître une pratique régulière, c'était une personne qui buvait. Il y en a. Ensuite, lorsqu'ils ont commencé la prière, ce cheminement, ils ont arrêté, comme on dit avec nos termes familiers, ils ont arrêté la boisson. On dit avec nos termes familiers. Mais il y en a pour eux, c'est dur, c'est un effort. Il y en a, ils ont réussi. Ils ont arrêté. Quand lorsqu'ils ont su que dans notre religion, c'est péché. Et ça fait partie des grands péchés. Ils ont arrêté. Celui qui arrête et qui fait l'effort, et c'est dur pour lui. C'est dur pour lui. Lui, la récompense est grande. La récompense est grande. Il n'arrive à 1 000 jaza, mais arrive à 1 000 bala. La récompense pour lui est grande. Et plus grande que celui qui ne boit pas, mais lui, il est récompensé, celui qui ne boit pas. S'il s'interdit cela par crainte de son créateur, il est récompensé. Mais celui qui est vraiment tenté, parce qu'il était plongé et avait sombré dans cela, la récompense est plus grande. Du fait aussi de l'épreuve, plus une personne est éprouvée et son épreuve est intense et grande, plus la récompense elle est grande. C'est pour cela que ceux qui sont le plus éprouvés, ce sont Al-Anbiya, ce sont les prophètes. Thumma Al-Amthal, comme dit le prophète, Ashad Al-Bala, Al-Anbiya, Thumma Al-Amthal, Thumma Al-Amthal. Le prophète nous dit, ceux qui sont le plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ok, Fala. Et comment il en serait autre si vous constatez les épreuves des prophètes, c'était des épreuves qui étaient immenses. Regardez le prophète Younous, emprisonné dans le ventre d'un énorme poisson, de la baleine. Imaginez-vous, vous avez vu l'épreuve dans les ténèbres de ce poisson. Ensuite, il a glorifié Allah Azzawajal. Regardez le prophète Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, que la paix soit sur lui, jeté dans un feu. Vous avez vu les épreuves? Regardez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, persécuté, traqué. Il s'est retrouvé seul dans la grotte avec son compagnon. Plutôt, ils étaient trois. Avec son compagnon Abu Bakr, radiallahu ta'ala an. Et avec tous les supplices qu'il a subis de son peuple. Donc vous avez vu, les prophètes étaient éprouvés. Moussa alayhi salam, les épreuves qu'il a subies avec Pharaon. Le prophète Nuh, avec son peuple. Le prophète Saleh. Le prophète Hud. Ou Shu'aïb. Et tous les autres prophètes et les messagers. Ils ont été éprouvés. Et donc de ce fait, il n'arrive à 1 000 jazam, arrive à 1 000 bala. L'ampleur de la récompense va avec l'ampleur de l'épreuve. Et Allah dit. Et le prophète dit que wa inna Allah ta'ala idha habba qawman ibtala. Et lorsqu'Allah il aime un peuple, il l'éprouve. Le prophète en sallam, parmi les dures épreuves qu'a eu le prophète a été éprouvé par la faim, comme on l'a dit, et par la soif. Le prophète n'avait pas de quoi se rassasier, des fois pendant des jours. Il était éprouvé, pourtant c'est l'élu d'Allah azzawajal. Est-ce que ça voulait dire que Allah ne l'a pas agréé, comme beaucoup pensent? C'est des croyances qui sont erronées. Si tu n'as pas de bien, si tu n'as pas la richesse de ton voisin, ça veut dire que tu es moins aimé que ton voisin. C'est faux. Parce que regardez, le prophète le plus aimé d'Allah Azzawajal, celui qui a choisi pour ça, pour transmettre sa révélation, le plus aimé, le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, a été éprouvé par la faim et par la soif. Et lorsqu'Allah il aime un peuple, il l'éprouve. Et le prophète nous dit, celui qui acceptera, qui sera satisfait, Allah sera satisfait de lui, et celui qui se mécontentera, donc l'auteur fait allusion ici lorsqu'il dit, en sachant que la récompense varie en fonction de la difficulté. Donc cette partie-là est vraie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ceux qui ont traduit et commenté savent que l'auteur fait allusion au hadith qui est rapporté dans le Bukhari et dans Muslim. Dans le Bukhari, le récit, c'est le hadith 1787. Et dans l'authentique de l'imam Muslim, c'est le récit 1211. Le récit 1211. Donc là, sur cette partie-là, c'est vrai. Lorsqu'il est dit que, en sachant que la récompense varie en fonction de la difficulté. Par contre, cette tendance-là, quelle est cette tendance? Comme on l'a dit précédemment, c'est ceux qui considèrent que l'adoration la plus bénéfique et meilleure, c'est celle qui est la plus difficile. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Est-ce que c'est droit de dire ça? Est-ce que c'est bon? C'est valable? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la meilleure adoration, c'est celle qui est la plus difficile et la plus pénible? C'est ce qu'on va essayer de comprendre à travers l'explication de grands théologiens musulmans. Il est dit, et l'auteur lui-même, l'imam Taqiyuddin al-Maqrizi, il dit, il s'inspire même d'un hadith n'ayant aucune origine. Donc par contre, pour dire cela, il s'inspire d'un hadith où la asla lahu, comme disaient les savants. C'est un hadith qui n'a pas d'origine. Qui n'a pas d'origine, c'est pire que si on disait que le hadith est daif, est faible. Parce que pour qu'on dise qu'un hadith, et les grands spécialistes dans le domaine du hadith, la terminologie du hadith, lorsqu'ils jugent qu'un hadith est faible, c'est qu'il y a une chaîne de transmission. Et ensuite, la faiblesse peut provenir de la chaîne de transmission, des rapporteurs, selon la cause. Mais là, lorsqu'ils disent là, aslalaou, c'est qu'il n'y a même pas d'origine. Ce récit-là, sur lequel il s'appuie, il n'y a pas d'origine. La asla lahu. On ne peut pas le considérer comme un récit. La asla lahu, il n'y a pas d'origine à ce récit. Ce récit dit la meilleure adoration est celle qui est la plus âpre. La plus âpre dans le sens la plus difficile. Ahmazouha. Ahmazouha. Mais les savants disent que ce récit n'a pas d'origine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Pourquoi on ne peut pas l'attribuer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Parce que si on attribue quelque chose au messager d'Allah, au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il faut être certain que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'ait véritablement dit. Parce que dans un récit, comme le stipule l'imam Muslim dans son authentique, il le rapporte dans l'introduction, il dit que le messager d'Allah, et le hadith est célèbre, est confirmé avec une chaîne de transmission authentique, où le prophète dit, Man ta'ammada 'alayya kadhiban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Que celui qui ment volontairement à mon encontre, qu'il prépare sa place en enfer. Mentir sur le prophète, c'est pas comme mentir sur quelqu'un d'autre. Et donc, dans un autre récit, le prophète sallam, comme le rapporte aussi l'imam Muslim dans son introduction, dans son authentique, le prophète sallam, il lui est attribué qu'il dit, et le hadith est authentique aussi, qu'il dit, kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Il suffit pour un individu d'être considéré comme un menteur qu'il répète tout ce qu'il entend. Il suffit pour un individu d'être considéré comme un menteur de répéter tout ce qu'il entend. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Et donc, on ne peut pas répéter tout ce qu'on entend. Quel est le cas de répéter des choses, d'attribuer des choses au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que peut-être il n'y a aucune origine. Le prophète n'a jamais fait telle chose ou n'a jamais dit telle chose. C'est pour ça que, si on peut dire de la sorte, utiliser ces termes, certains grands savants spécialistes du domaine du hadith, certains par exemple, leur politique, dans leur recherche et dans leur authentification, ou bien dans leur jugement, de faiblesse des récits, certains savants considèrent, et c'est pour ça qu'ils sont très stricts et rigoureux et sévères dans l'authentification. Dans l'authentification. Par exemple, pour eux, ils ne veulent pas attribuer au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il n'a pas dit. Et donc, pour eux, confirmer qu'un récit remonte jusqu'au prophète, si ça ne remonte pas, et si le prophète ne l'a pas dit, ça serait lui attribuer et mentir sur lui. C'est pour ça que certains savants, eux, sont très rigoureux, stricts dans leur jugement concernant l'authentification d'un récit. Et ça, c'était la méthodologie du grand muhaddith Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. C'était ça sa méthodologie. C'est pour cela que Cheikh Muqbil, rahmatullahi alayh, était connu pour son strict. Et lorsque vous voyez, par exemple, dans certains livres, ils disent « authentifié par al-Wadi'i ». Ils sous-entendent « Cheikh Muqbil, rahmatullahi alayh ». Même certains de ses contemporains disaient le Bukhari de l'époque. Tellement il était fervent dans, et c'était un élève proche de Cheikh al-Albani dans al-Hadith. Et lui a des divergences dans l'authentification avec Cheikh al-Albani. Pourquoi? Parce que lui est strict. Lui, c'est sa politique dans l'authentification, c'est que lorsqu'il authentifie, il juge un récit authentique, c'est qu'il est sûr. Pour lui. C'est authentique. Sinon, il ne l'authentifie pas. Et d'ailleurs, il a un très beau livre, une œuvre immense, pour ceux qui peuvent la voir, c'est immense, puisque vous allez comprendre que ce qu'il juge authentique, il faudrait chercher, creuser, pour que vous puissiez trouver qu'il est faible, le récit. Il a un livre, un recueil, justement, de hadith, une compilation, à la manière des pieux prédécesseurs, à la manière de Al-Bukhari, à la manière de l'imam al-Tirmidhi, ou Ibn Majah, ou Al-Nasai, ou Ibn Hibban, ou Abi Daoud, et d'autres, dans leur recueil, leur compilation, c'est un recueil de hadiths que lui-même considère authentiques, qui ne sont pas dans les deux authentiques. Et l'édition, qui est la première édition qui était parue, je pense qu'il n'a pas été édité, c'est en 6 volumes, si je ne me trompe pas, Allahu A'lam. Si je me rappelle bien, c'est en 6 volumes. Je ne me trompe pas. Et c'est de nombreux hadiths que lui voit authentiques, mais qui ne sont pas dans les deux authentiques. Ils ne sont pas dans le Bukhari et le Muslim. Fima laysa fi sahihain. Et donc, quand vous voyez des récits qu'il a compilés, c'est que le degré d'authenticité est fort. Et Cheikh al-Albani, rahmatullah alayh, lui, à l'inverse, sa méthodologie, c'est ça qui fait que c'est complémentaire, et c'est très pertinent d'avoir les avis, sa méthodologie à Cheikh, c'est que pour lui, c'est une injustice. C'est une injustice de juger un hadith du prophète Hassem faible, alors que peut-être il remonte et le prophète l'a dit, ou le prophète l'a fait. Et si on juge d'un récit faible, alors que le prophète Hassem l'a dit ou l'a fait, ça peut être une injustice et on va perdre une sunna. On va perdre des sunnanes comme cela. Et c'est pour cela que Cheikh al-Albani, lui, cherchait, avant de juger un hadith faible. De dire que tel hadith est daif, à l'inverse, lui, il cherchait. Pour ça, les grands spécialistes contemporains dans le hadith, Fi'im al-Hadith, qui se sont vraiment approfondis dans ce fen et dans ce ilm, ils le disent, un hadith que Cheikh juge faible, il faut chercher pour lui trouver une voie, une autre voie qui ferait qu'on pourrait le juger authentique ou même bon. Pourquoi? Parce qu'à l'inverse, un Cheikh, Al-Bani, rahmatullah alayh, avant de dire que tel récit est faible, il a cherché. C'est qu'il n'a pas trouvé de voie. Parce que vous avez vu, les récits parfois peuvent être faits, mais on trouve d'autres voies qui peuvent conforter et renforcer la transmission. Et si le Cheikh dit « Had al-Hadith Daif », c'est que vraiment, il n'a pas trouvé de voie. Vous savez, à l'époque, un Cheikh qui était spécialiste dans le Hadith, il avait fait une découverte. Fi'im al-Hadith. Une découverte. Et cette découverte-là, c'était un Cheikh d'origine égyptienne, qui s'était spécialisé fil ilm al-hadith, dans la science du hadith. Et il avait fait une découverte, fil ilm al-hadith, dans les chaînes de transmission et les transmetteurs. Une immense découverte. Après tous ces travaux, après toutes ces recherches, vous avez vu, après tant de recherches et tant de travaux, lorsqu'on s'approfondit dans l'étude d'un domaine, forcément ensuite si Allah nous ouvre les portes, ensuite on peut atteindre des niveaux et des domaines que d'autres n'ont jamais atteint. Et ce cheikh-là avait fait une découverte, Fi'im al-Hadith. À l'époque, ça date de décennies de ça, à l'époque du vivant de Cheikh al-Albani, il a fait part de ses découvertes à Cheikh. il a fait part de ses découvertes à Shir. Lui, le Shir, lorsqu'il rapporte ça, il dit, j'étais certain que j'allais rapporter à Shir al-Albani une découverte. Comme s'il était sûr de lui. Alors lorsqu'il a exposé cela, à sa stupéfaction, et Shir lui a dit, hey Naram, je suis passé par là il y a 20 ans, que j'avais découvert ça. Il y a une vingtaine d'années que Shir l'avait découvert. Samirna Yomna al-Ayyam, un grand savant, Allah Wahoua, celui qui est surnommé la perle de Médine, Shir Abdel Mohsin. Un jour, Shir Abdel Mohsin, vous avez vu, toute sa vie, près de 40 ans, c'est dans l'enseignement de Kutub al-Sunan, les livres des recueils de hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toute sa vie, c'était dans l'enseignement des Kutub al-Sunan. Et un jour, il est passé sur un récit, que lui, lorsqu'il a vu la chaîne de transmission, les récits, il voit la chaîne de transmission, le récit, donc il apporte un jugement. Mais il a vu que Shir al-Albani dit que dans la chaîne de transmission, un tel est inconnu. Shir Abdel Mohsin n'a pas discuté. Il a dit, Shir al-Albani dit qu'un tel est inconnu et il est passé. Pourquoi ? Parce qu'ils savent. Ce sont des spécialistes dans le domaine. Lorsque Shir, il a eu connaissance et il a lu des livres, il a eu recours à des livres que personne d'autre à cette époque, très peu de gens ont eu recours, ont pu avoir ces livres-là. C'était des nuits et des heures jusqu'à ce que les gens à l'époque, alors qu'il était jeune, ils lui ont donné la clé de la grande Maktaba, la grande bibliothèque de Damas. Et il passait des heures des fois juste à la recherche d'un livre, d'un passage sur l'échelle. La nuit, des heures et des heures et des heures. Donc il a parcouru des livres que beaucoup de gens n'ont pas eu et obtenu. Al-Muhim. On disait cela, puisque là, ce récit-là, dans lequel il s'appuie, n'a pas d'origine. C'est un hadith, vous ne trouverez pas de chaîne de transmission. Donc on ne peut pas l'attribuer au prophète. Et là, attribuer une chose que le prophète n'a pas dite, c'est pour cela. Ça rappelle que je me fais à moi-même. Ça rappelle qu'on se fait. Lorsqu'on rapporte un hadith, on dit le prophète a dit, vérifiez. Le prophète a dit, vérifiez. Les grands enseignants de Ilm al-Hadith, lorsqu'ils enseignent le récit du prophète, ils ont un comportement dans riwaya, dans la transmission des hadiths du prophète, il faut les transmettre lafzan, l'énoncé, mot pour mot, avec les voyelles, avec exactitude. Le prophète dans le récit dit « Naddara Allahu imra'an sami'a minna shay'an fa ballaghahu kama sami'a. Ballaghahu kama sami'a. » Qu'Allah accorde la splendeur à une personne qui entend une parole de nous, c'est-à-dire du prophète, et qui la transmet comme il l'a entendue. Il faut la transmettre avec exactitude. Avec exactitude. C'est pour cela que lorsque vous entendez des hadiths du prophète, il faut noter. Il faut noter. Et on est toujours étonné que des gens qui entendent Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, ils croient qu'on est en train de leur transmettre une parole d'un auteur, d'un écrivain, dans une revue, un quotidien, un journal. C'est pas la parole d'un écrivain. C'est pas la parole d'une personne qui écrit dans les quotidiens, qui est une personne qui écrit dans les revues hebdomadaires. C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole pour laquelle, dans les premières générations, c'est pour ça la différence entre eux, nos générations et eux, eux, pour une parole du prophète, ils parcouraient le monde. Ils allaient visiter des pays à la recherche des transmetteurs. Il y a des gens, lorsqu'ils savaient qu'il restait un compagnon du prophète vivant, les gens faisaient des contrées, ils voyageaient pour aller rencontrer ce compagnon. Ou s'ils entendaient plus tard, les générations d'après, un élève d'un compagnon qui a entendu des récits et a pris des récits d'un compagnon du prophète, ils allaient à sa recherche. Et comme cela, ils ont parcouru. Et comme cela, l'affaire Ahmed ibn Hanbal avec son célèbre camarade Yahya ibn Ma'in. Et comme cela, l'a fait l'imam al-Bukhari. Et comme cela, le faisait l'imam Muslim. Et comme cela, l'ont fait de grands imams. Et lorsqu'ils entendaient un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, c'est la parole du messager d'Allah. Mais aujourd'hui, les gens entendent des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur une question. Le prophète a dit, ça bouge pas. Normalement, il faut noter. On note. Le prophète a dit. Ensuite, on vérifie. Maintenant, il y a tous les outils pour vérifier. On vérifie ce que c'est rapporté où. Est-ce que le hadith est authentique? Qu'est-ce que les savants disent? Qu'est-ce que les savants disent sur le récit? Si le hadith est authentique, on le note, on l'apprend, on le mémorise. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On le transmet. Parce que si on ne connaît pas l'énoncé du hadith, alors on ne peut pas le transmettre. Et il n'y a pas meilleure parole à transmettre si ce n'est la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le récit sur lequel il se base, le récit, c'est le hadith qui dit « Afdalul a'mal ahmazuha ». Ahmazuha, le terme en arabe, ça veut dire « as'abuha » ou « ashaqquha ». C'est, ils disent, ils se basent sur un récit. Donc ça, on est toujours sur la tendance qui considère que la meilleure adoration, c'est l'adoration la plus pénible et la plus dure. Et eux donc, leur point de vue, ils se basent sur quoi? Sur ce hadith. Ce hadith qui dit « Afdalul armel, la meilleure des œuvres, ahmazuha ». Et ahmazuha, ça veut dire « ashabuha ». C'est l'œuvre la plus pénible et la plus compliquée, la plus dure. La plus dure. Sauf que les savants disent que ce récit-là n'a pas d'origine. قال المزي وهو من غرائب الأحاديث. Il dit que on ne trouvera pas dans les kutub sitta. Dans les kutub sitta, les six connus, on ne trouvera pas ce récit-là. Et ils disent غريب الحديث. المهم, ce hadith n'est pas authentique. Et ils disent que, et l'auteur dit lui-même, la asla lahu. Wa haula. Et c'est pour ça qu'ensuite l'auteur dit, et c'est-à-dire qu'il est la plus dure et la plus difficile à supporter. Les partisans de cette tendance sont connus pour se martyriser eux-mêmes. Vous voyez ce qu'il dit? Ils s'imposent des adorations. Ils s'imposent. De sorte qu'il dit, ils se martyrisent eux-mêmes. Ils se martyrisent eux-mêmes. Et pour pousser leurs possibilités à l'extrême. Ils pensent que c'est la meilleure façon d'éduquer son âme. De l'éduquer avec des adorations dures, qui est naturellement enclin au repos et au moindre effort. C'est-à-dire, l'âme est paresseuse. Et l'âme veut se reposer. Et donc, eux, cette première tendance, ils considèrent que la meilleure adoration, c'est la plus dure. Pourquoi? Pour éduquer son âme, qui est enclin à la paresse, qui paresseuse à la base. Donc eux, ils considèrent cela. Et la seule façon de la soumettre, c'est de lui apprendre à supporter les peines. Sauf que les savants, donc ça c'est la première tendance. Pour ceux qui sont venus ensuite, pour que vous puissiez compliquer, on est en train de citer, les savants nous expliquent, nous citent quatre tendances face à l'adoration. Quelle est la meilleure adoration? La première tendance, c'est ceux qui considèrent que c'est la plus dure. Sauf que les savants, après observation de ça, ils disent, cette pensée-là, cette tendance-là, fait un hasard. Il y a une réflexion à voir. Pourquoi? Parce qu'ils disent la meilleure adoration, ce n'est pas la plus compliquée, la plus dure, la plus lourde, mais c'est celle qui est faite avec sincérité. C'est l'œuvre sincère, comme on l'a dit hier. Akhlaswa. C'est celle-là, là, la meilleure. Ils disent, les savants, la problématique dans cette tendance-là, où il faut être très vigilant, et on rappelle le contexte. Ces gens-là, sachez que les siècles de ces livres, hein, le contexte de l'époque, c'était des sociétés très religieuses. Donc les gens, vous pouviez trouver des tendances, pour ça ensuite il y a eu des confréries, où toute la journée ils s'isolent du monde et ils adorent le Créateur. Ils s'imposent les adorations. Sauf que les savants disent, parfois il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège d'Iblis. Pourquoi? Parce que celui qui s'impose des choses qui à la base ne sont pas imposées, un jour ou l'autre, ça peut devenir très lourd pour lui. Et de ce fait, ensuite, il peut aller vers l'autre extrême. C'est pour ça qu'on voit, et Firlen, on le voit, c'est que beaucoup de gens s'imposent, mais ils s'imposent un certain temps jusqu'à ce qu'ensuite Shaitan leur fait tout délaisser. Pourquoi? Parce que l'adoration devient tellement lourde et pénible qu'un jour ou l'autre, il va se réveiller, il va se dire c'est trop dur. C'est trop dur. Et ensuite, il lâche. C'est pour ça, faites attention, Shaitan ouvre les portes. Pourquoi à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme qui a dit, un avait dit, moi je me marierai pas. L'autre avait dit, moi je prierai toute la nuit, sans dormir. Et l'autre avait dit, moi je vais jeûner sans rompre le jeûne. Lorsqu'ils ont rapporté ça au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, moi je jeûne et je rompe mon jeûne. Moi je dors et je prie, je me réveille une partie de la nuit et je prie. Et moi je me marie. Celui qui ne désire pas ma sunna, il ne fait pas partie des nôtres. Pourtant, c'était, ils l'ont dit avec une bonne intention. Mais ce n'est pas la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que les savants, il y a même un récit, un hadith, qui dit que celui qui s'inflige dans la religion, ce qui n'est pas demandé, il veut infliger, faire des choses plus lourdes que ce qui est demandé, il sera vaincu. Il sera vaincu. C'est pour ça dans le hadith concernant Al-Khawarij, les extrémistes. Le prophète dit, Yamrukuna minad-din kama yamruk as-sahm min ar-ramiyya. Yamrukun, ils sortent de la religion. Pourquoi? Ils se sont tellement, ils ont adoré Allah avec exagération, ils sont tellement dans l'extrême et l'extrémisme qu'un jour ou l'autre, ils flanchent. Ils arrêtent. Et c'est pour ça que le prophète disait Yakum wa yakum al-rulu. Regardez par exemple, surtout pour beaucoup, pour les jeunes, n'avez-vous pas remarqué maintenant avec votre parcours, certains maintenant ça fait des années, des décennies, n'avez-vous pas remarqué les plus durs dans les mises en garde? Ceux qui ont été les plus durs dans les mises en garde. Vous les retrouvez un jour, c'était tellement dur, ils étaient tellement dans les mises en garde, que vous les retrouvez un jour, il n'y a plus de mise en garde. Et vous les voyez un jour, ils disent, et en plus, il vient de vous voir sans pudeur. Il vient vers toi et dit, c'était dur. Moi, j'ai lâché tout ça. Un tel, c'est pas bon. Un tel, c'est pas bon. Un tel mise en garde. Et un tel mise en garde. On ne sait plus ensuite qui est-ce qui est bien. Moi, j'ai lâché tout ça. Tu dis, mais subhanallah, c'est toi qui étais dur. C'est toi qui mettais en garde contre tout le monde. Et on ne faisait que te conseiller, on te disait que ça va te mener vers là. Et à la fin, il te dit, oh, je prends tout le monde. Alors qu'à la base, la mise en garde, bien sûr. S'il y a des gens qui sont extrémistes, il faut se mettre en garde. La mise en garde est louable. C'est quelque chose. Si une personne est un imposteur, ne connaît pas la religion, on ne peut pas prendre la religion de lui. Mais il ne faut pas faire de l'extrême. Il ne faut pas exagérer dans le sujet. Beaucoup de jeunes ont exagéré dans le sujet. Alors c'est soit c'est que de la mise en garde, soit il n'y en a plus. Alors que c'est eux qui étaient dans ça. Et cela, je peux vous donner énormément d'exemples. D'ailleurs, je pense que dans votre parcours, vous avez dû en croiser. Non ? Naam. Et c'est ceux qui étaient les plus durs, à la fin, qui remettent tout en cause. Ceux qui étaient les plus durs. Et donc, c'est pour ça cette caractéristique-là. Ceux qui disent que la meilleure adoration, c'est la plus dure, c'est la plus lourde, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il y a des époques, il faut bien se remettre en cause. C'est des sociétés qui sont très religieuses. L'époque du Moyen-Âge, l'époque médiévale, et autres, les sociétés, les débats de société, c'est des débats théologiques. Les gens, par exemple, le zikr du matin, ils s'imposent, par exemple, à dire des milliers de fois, yalatif, yalatif, yalatif, yalatif, yalatif, yalatif, yalatif. Des milliers de fois. C'est des gens qui restent des heures seuls. Ils peuvent rester dans le noir. Et ils s'imposent à eux-mêmes. Ils disent, il faut dire, ils te voient, il faut dire, ils s'imposent à dire des milliers de fois. Si tu n'as pas dit des milliers de fois, tu n'as pas atteint l'objectif. Et des milliers, yalatif, yalatif, yalatif, yalatif, yalatif, yalatif, yalatif, yalatif. Et ils s'imposent cela pendant des heures. Et avec d'autres formes d'adoration, qui n'ont pas été enseignées par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils s'imposent cela des heures. Pourquoi? Ils considèrent que l'adoration la meilleure, c'est celle qui est la plus pénible. Ça, c'est la première tendance. Allah! لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا رسول الله. Donc pour terminer, donc ça c'était la première tendance. Concernant la question, pour ceux qui étaient absents, quelle est la meilleure adoration? Alors la première, l'auteur va citer quatre tendances. La première tendance, c'est ceux qui considèrent que l'adoration la meilleure, c'est celle qui est la plus dure et la plus pénible. La deuxième, on passe à la deuxième tendance pour pouvoir avancer. La deuxième tendance, قال المصنف رحمه الله عليه. Regardez ce que le Moussanif il va dire la deuxième tendance. Concernant quelle est la meilleure adoration. قال الصنف الثاني. Et là, il faudra suivre parce que il va citer la catégorie, il va dire dans cette catégorie, il y a deux choses à considérer dans cette catégorie. Il faut bien suivre. Regardez ce qu'il va dire. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والتراح الاهتمام والتراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. Là, c'est très pertinent. قال ثم هؤلاء قسمان. Il va citer قسمان. العوام والخواص. العوام والخواص. Regardez dans la deuxième tendance. Je vous traduis une traduction relative. Il est dit dans la traduction. La deuxième tendance, pour d'autres, c'est la meilleure adoration consiste à renoncer à ce bas monde. Pour d'autres, ils ont considéré que la meilleure adoration consiste à renoncer à ce bas monde. À éloigner son attention de ses jouissances et à se contenter du minimum. Il dit, les partisans de cette tendance se divisent en deux catégories. Les partisans de cette tendance. Donc, cette tendance, c'est quoi? C'est ceux qui considèrent que « أفضل العبادات وأنفعها » يعني « أنفع العبادات » c'est l'ascétisme. C'est le détachement de cette vie d'ici-bas. Le renoncement à cette vie d'ici-bas. Et éloigner son attention de ses jouissances. Et de se contenter du minimum. Ça, c'est la deuxième tendance. C'est, si vous voulez, c'est la deuxième conception. C'est une deuxième réflexion. قال فهؤلاء الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان. التقلل غاية الإمكان. C'est vraiment renoncer, se contenter du minimum. غاية الإمكان. والطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها ثم ذكر قسمين. Ensuite il va évoquer العوام, donc deux catégories dans cela. Et écoutez bien ce qu'il va dire. العوام والخواص. العوام, les gens du commun. Les gens du commun dans cette catégorie. Qui sont les gens du commun dans cette catégorie? Parmi eux s'imaginent, c'est-à-dire les gens du commun, eux, ils se disent que l'ascétisme est une fin en soi. رأوا أن مقصودا رأوا أو ظنوا أن هذه غاية وشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. Eux, ils considèrent, regardez, ils s'imaginent que l'ascétisme est une fin en soi, en considérant, en espérant atteindre ainsi une meilleure place que celle offerte à travers le ilm, le savoir, les bonnes œuvres. L'ascétisme, à leurs yeux, est le comble et le sommet de l'adoration. Pour eux, l'ascétisme, ça passe avant le ilm, ça passe avant le savoir. Et vous savez qu'il y a certains, bon, des générations jusqu'à aujourd'hui, qui, eux, sont des dévots, fervents dévots, ce qu'il faut être. Il faut être dans l'adoration du Créateur. Mais pour eux, ils ont tellement fait d'excès, ils sont tellement tombés dans le roulou, ou ayyakum wal roulou, que pour eux, même le al-ilm, talab al-ilm, n'a pas de place. Déjà à l'époque des pieux prédécesseurs, lorsqu'ils voyaient les pieux prédécesseurs faire des recherches sur ilm al-asanid, ou ilm al-rijal, recherchés sur les hommes, l'authentification des récits, eux, ils disaient que ça, c'est des ambiguïtés. C'est pour détourner les gens de l'adoration. Et c'est pour ça que beaucoup ensuite adoraient avec ignorance. Et sont tombés dans l'adoration avec ignorance. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup adorent l'Aulia. Vous posez la question. Ils adorent l'Aulia au lieu d'adorer Allah. Et passent des heures devant la tombe et le mausolée du Wali. Ils passent des heures et ils pleurent. Des matinées, des nuits entières devant Al-Qabr du Wali. Et certains d'entre eux, eux, ils adorent Allah Azza wa Jal auprès de la tombe, mais certains d'entre eux, ils le prennent comme intermédiaire et ils l'adorent directement. Lamma waqa'u fi al-jahl. Lorsqu'ils sont tombés dans l'ignorance, et ils ont adoré Allah Azza wa Jal avec ignorance. Et donc, pour certaines confréries, le ilm, c'était une perte de temps. Apprendre, c'était la perte de temps. Eux, c'est l'adoration. Alors qu'en réalité, il faut adorer Naam, mais il faut apprendre. Comment adorer le Créateur, subhanahu wa ta'ala? Il faut apprendre. Il faut l'ilm, c'est la clairvoyance. Et le prophète, sallam, nous dit, « Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhal Allahu lahu tariqan ila al-jannah. » Le prophète dit, « Celui qui entreprend un chemin vers l'acquisition du ilm, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. » Donc c'est le prophète, sallam, qui nous dit que apprendre l'ilm shar'i, c'est le chemin qui mène ila al-jannah, vers le paradis. Et regardez, Allah nous dit dans le Coran, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ دَرَجَاتِ. Allah élève les croyants d'entre vous, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ دَرَجَاتِ. Mais ceux qui ont acquis, les détenteurs du ilm, Allah les élève en degré. هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce qu'ils sont semblables, Allah nous dit, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Certes, ceux vraiment qui craignent Allah, ce sont les ulama. Et les savants ont dit, innama, adatu hasr. C'est un outil dans la langue arabe de hasr, de restriction. C'est comme si Allah Azza wa Jal dit, innama, yakhshallah, min ibadi l'ulama. C'est comme si ce sont les ulama, les détenteurs du savoir, c'est eux qui craignent véritablement Allah Azza wa Jal. Alors il y a des gens qui passent des heures dans l'adoration d'Allah, mais en réalité, au lieu de se rapprocher d'Allah, ils s'éloignent du Créateur parce qu'ils le font avec ignorance. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Juste un petit rappel, avant qu'on commence la prière, c'est un rappel que je me fais à moi-même, puisque des fois on prie derrière l'imam, et il y a ce qu'on appelle al-fath, la correction de l'imam. Vous savez que la correction de l'imam, les savants, lorsqu'ils ont traité le sujet, il y a certains savants qui émettent plus d'une dizaine de conditions. Certains, ils ont émis 15 conditions. Et plus encore de conditions pour faire fath à l'imam, pour corriger l'imam. Parmi ces conditions, ils disent premièrement, on le fait par compassion pour l'imam. Lorsque l'imam, soit il se trompe, ou lorsque par exemple il a tant d'attente le temps de se rappeler le verset, parce que des fois l'imam s'est trompé, mais il sait qu'il s'est trompé. Mais juste, il va terminer le verset, ensuite il va revenir sur le verset, il va corriger. Et parfois, donc il faut attendre. Il faut attendre, est-ce que l'imam, il a vu, il a remarqué qu'il s'est trompé, il va revenir. S'il ne revient pas, ensuite, là, une personne peut le corriger. Une personne, par exemple, qui est proche. Parmi les conditions, les savants disent, celui qui est proche. Il y a des gens qui sont au fond. Imaginez-vous, il y a des mosquées qui sont en plusieurs étages. La personne est dans l'étage du bas ou l'étage du dessus, il corrige. Pourquoi? L'imam ne l'entend pas. Le but, c'est que l'imam l'entende avec clarté. Avec clarté. Donc, les savants, parmi les conditions, ils disent, une personne qui est proche, avoir de la compassion, la miséricorde, être clément envers l'imam. Le but aussi, c'est que l'imam entende avec clarté. Donc, essayer, c'est le but, c'est, ils disent, c'est de l'aider. De l'aider. Sauf que, lorsque plusieurs le font en même temps, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle teshwish. Ça fait teshwish, ça perturbe. Vous savez, juste parfois, celui qui fait l'imam, c'est pour ça que certains savants disent que ceux qui arrivent en retard et qui rentrent dans la prière, lorsqu'ils font tekbir, ils le font à voix modérée. Allahu Akbar. Mais à voix haute, ça peut perturber l'imam. Et il y en a qui rentrent, qui parlent même. Et le fait de parler, le fait de discuter pendant la prière ou le fait de faire du ça peut perturber, puisque l'imam est concentré, et donc lui, il essaie de se rappeler les versets. Donc il y a la prononciation, il y a les voyelles, il y a les versets, il y a la mémorisation. Donc il faut aider l'imam. Il faut l'aider. Et donc un jour, je vous citerai toutes les conditions, ça dépasse la dizaine de conditions, c'est pas n'importe qui, il faut être sûr. Parce que des fois ça corrige, et celui qui a corrigé s'est trompé. Et donc des fois, on entend 3-4 corrections, c'est pas les mêmes. Parce que des fois, des versets se ressemblent. Des versets se ressemblent. Donc, ceux qui corrigent aussi, l'une des conditions que donnent les savants, la sincérité. Faites attention de ne pas vous faire tromper par Shaitan. Vous êtes en pleine adoration, il va vous faire tomber dans l'ostentation. Pourquoi ? Parce que Shaitan peut venir et te dire, corrige, parce que si tu corriges pas, ils vont dire, tu connais pas la sourate. Et corrige, comme ça les gens vont dire, ah, il connaît lui. Donc, celui qui corrige, qui fait le fait, il le fait pour Allah, Azza wa Jal. Il le fait pas pour qu'on dise qu'il connaît ça. Et ça, il faut se concentrer. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut corriger. On dit pas qu'il faut pas corriger. Il faut corriger. Mais, il faut le faire bien. Il faut apprendre les conditions, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.